En 2011, tu t'as fait, tu crois vivre une bonne expérience de vie. Ne t'en sais pas de l'argent, mais ça réduit ton espérance de vie. T'attends impatiemment que ton compte te verse la part du gain. Pendant que les dirigeants passent des soirées pétées à boire du vin. Tu trouves pas ça normal, non? L'argent te rend paranormal quand tu perds tes proches et t'as plus rien qui va moralement. C'est décevant, t'es déçu car t'en as marre de voir ta vie dans le fric. Tu commences à le regretter quand t'aperçois qu'il n'y a plus rien d'identique. T'as les poches blindées et malgré ça t'arrives à quinter. La vérité t'a mis une baffe et t'as pas su la feinter. Tu touches le fond, tu coules et t'es envahi par la douleur. Tu possédais plein d'argent. Mais t'en as que vu la couleur. Au bord du précipice, t'as tout perdu pour de la thune. Tant de remise en question pour récolter que des lacunes. Y'a plus d'espoir, plus d'avenir, plus d'argent, ton compte trafique. Maintenant tu cherches du taf et tu rêves de posséder ton compte trafique. Pas d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par l'appât du gain. Taf comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Pas d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par la pas du gain, taffe comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Je lève de thunes dans mon monde parallèle. C'est des braquages à l'italienne. On récolte là et qu'on sème, ça on le sait. Et c'est systématique, le service s'installe. Pour une fois percé dans les statistiques. On investit, grimper les échelons afin de poursuivre sa propre dynastie. Ton capital explose comme de la dynamite. Et réalise qu'il y a un temps pour tout avant qu'on finalise. Et que doucement on glisse la corde au cou. Mais on sourit puis on s'immisce. Trop de vice, car la cupidité reste notre seul guide de survie. La chance ça change, t'as sûrement dû le remarquer. Baiser tes potes pour un billet, la part du gain nous a piégés. Impossible de se défiler, pas moyen de défier toutes les machinations que fait tourner le cash monnaie. Faut pas que je me trompe, j'en deviens paranoïaque. Quand je fais les comptes, je me laisse couler comme si j'étais en pleine noyade. Pas d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par la part du gain. Taf comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Pas d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par la part du gain. Taf comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Il est la part du gain, il fait plus que sa part du pain. Il veut se faire le plein, il est sa famille, sa femme et pas le chien. Il croit que l'amour s'achète, il sépare que son monde s'achève. Il sépare la réalité de l'illusion qui elle s'achète. Il désosse son naturel qui génital. Il aime pas sa tête et se retourne au trafic. La chirurgicale, pas du gain à forte dose. L'argent devient létal. Les sourires qui te côtoient ne ressemblent à plus rien d'amical. Sûrement, sûrement, parce qu'il voulait de la part du tien. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il y a que toi qui veux que tu ressens bien? Je suis la part du gain, tout moi. Je crois que tout le monde m'aime, sauf le soir où je me retrouve. M'emmène seul que moi. J'ai que ce verre et ma farine qui accompagne mon ivresse. Mais qui m'a dit que bonheur était marié à richesse. Je suis la pas de consommation. Je voulais le baise en sommation. Ça s'est paillé en guise de consolation. Toi d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par la part du gain. Taf comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Toi d'un bonheur, tu me dis que l'argent fait pas le bonheur. Tu réclames ton salaire et par sa faute t'as plus d'honneur. Tu lèves de bonheur et t'es attiré par la part du gain. Taf comme un chien où tu mangeras rien d'autre à part du pain. Je rêve de thunes. Dans mon monde parallèle. Taf, taf, taf comme un chien. Impossible de se défiler. Pas moyen de défier. Défier. Qui m'a dit que bonheur était marié à richesse.